Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 15 janvier de quelle année ? Le 15 janvier 1790, donc en pleine Révolution française, ce jour-là, l'Assemblée constituante publie un décret qui établit une nouvelle division du royaume en 83 départements. Et comment la France était-elle divisée avant cette date, Franck ? Oh, alors là, c'était vraiment très complexe. Hein. Le territoire était découpé en circonscriptions administratives, ecclésiastiques, fiscales, provinces aux contours plus ou moins floues, héritées de la nuit des temps. Tout ça était alambiqué. Comme le disait Mirabeau, la France était alors un agrégat inconstitué de peuples désunis. Allons bon. Et c'est justement le but de ce nouveau découpage proposé par l'abbé Sieyès, simplifié avec un impératif. Chacun des habitants du département doit pouvoir rallier son chef-lieu en moins d'une journée de cheval. Voilà comment sont nés ces 83 départements qui eux-mêmes ont été tout de suite subdivisés en districts, en cantons et puis bien sûr en communes. Ouais, depuis, ça a évolué encore et encore, hein, ah oui, le découpage. Ça, comment décide-t-on justement de ce découpage? Alors, certains avaient émis l'idée de diviser à l'américaine, vous savez, en prenant des grandes règles et en quadrillant le territoire à angle droit. Seulement Mirabeau s'y est opposé. Il a prôné un découpage qui prenne en compte la géographie, les rivières, les montagnes, les reliefs, le territoire français en fait. C'était beaucoup plus intelligent, bien sûr. Alors, vous avez bien compris l'enjeu politique de cette nouvelle répartition. Je crois qu'on peut parler d'une véritable révolution géographique. C'en est fini des vieilles provinces de l'ancien régime. Le nouveau cadre devrait permettre au pouvoir central de mieux contrôler le territoire. C'était ça le but quand même. On dit que la géographie accompagne toujours l'histoire. Ah oui, ça c'est incontestable. C'est un de mes credos. D'ailleurs, ces 83 départements vont évoluer au gré des régimes, des guerres. On en compte, vous savez, aujourd'hui 101 et... On pense même, certains en tout cas pensent même à se débarrasser du département aujourd'hui. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Et nous évoquerons le grand Churchill.